Thank you. Gonna never come back. voice in my head. You'll always get drunk. Go now and never come back. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre avec un groupe qui nous a enchanté lundi dernier. Je veux parler d'Anathema et je vous ai passé un large extrait de, à mon avis, leur meilleur album, A Natural Disaster. Album qu'ils ont joué pratiquement en entier dans un in quasi rempli à ras-bord. Très peu de progueux, beaucoup plus de métalleux, mais c'est dommage d'ailleurs parce que c'était vraiment un spectacle dans la pure tradition progressive. On a continué avec un autre groupe du même label british qui monte. Je veux parler de K-Scope, avec le nouveau Blackfield. Ouais, sympathique sans plus. À mon avis, il y a mieux à écouter avec le nouvel opus d'Apple Pie. Les voici, les voilà, tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif. What is life? What is death? Are we just pawns in someone's game of chess? Is it all an illusion, a far forbidden dream? Is God the maker of this complex scheme? Am I his stick oil through my suffering? Thank you. this day of May. A child so precious, bright and fair. A welcome boy, born on Mother's Day. The smell of springing in the air. Young boys go fast, it's a brand show. All the new song, they kick it off to you. where's your mind, boy? Tell me what you see. I did it for too long. Look what became of me. Ideas of right and wrong, all in a haze. Till the answer's made, the questions fall into place. I got a better idea last night, so I took my Ford down to the kitten's corner. Waitress was saying, cigars, cigarettes, banana peels. Banana peels, that's the latest kick these days. Red Jones swears he saw one of the long-haired freaky people in a Winn-Dixie supermarket with a banana peel. He says, hey man, how about a refill? Dr. Domrose, boom, boom, the funny DJ, boom, boom, boom, boom, floats the jokes right down the drain. Boom, boom, boom, boom, boom. First time I heard this one, my left ear fell off. The Turtles, happy together. Happy? I'm ecstatic. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Résumé des chapitres précédents. Anathema, Natural Disaster, c'est britannique, ça date de 2003. Blackfield, Welcome to My DNA, c'est britannique, ça date de 2011. Et Magic Pie, et non pas Apple Pie, oh le gourmand, nouvel album de Suffering Joy, c'est suédois et ça date de 2011. Voilà pour ce que vous venez d'entendre. Je continue justement, puisqu'on parlait d'anathéma, avec le référendum, c'est très très mode actuellement, référendum sur les productions de 2010. J'ai apporté avec moi deux fanzines, un britannique, un européen. Le britannique, c'est Classic Rock Presents Prog, la référence maintenant en matière de magazine de progressive qu'on trouve... Tenez-vous bien dans les kiosques. La deuxième référence, c'est IO Page, IO Pages, le magazine hollandais, lui aussi en couleur et papier glacé. La référence aussi sur le continent européen, notamment par la diffusion et l'ancienneté. Ces deux journaux ont effectué auprès soit de leurs lecteurs, soit auprès de la rédaction, un petit sondage, référendum, poll, comme les appellent les Britanniques, à propos donc des productions de 2010. Voici les résultats. Eh bien, du côté des Hollandais, nos amis Bataves, eh bien, c'est Anathema. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Anathema qui est le meilleur album 2010 avec We Are Here Because We Are Here. Deuxième vient Anima Mundi, The Way. Troisième, Unitopia Artificial. Quatrième, Spocksbeard X ou Ten. Cinquième, Mind Games avec un album qui s'appelle 2010 en lettres latines, en chiffres latins. Sixième, Yogi Lang No Decoder. Septième, Moon Safari Lover's End. Huitième, Mystery One Among the Living. Neuvième, Seventh Wonder, The Great Escape. Et enfin, dixième, Glass Hammer, If. Voilà pour le top 10 de nos amis IO Pages. Voyons un petit peu maintenant ce que pensent les Britanniques. Et c'est, cette fois-ci, j'insiste, un référendum, non pas des collaborateurs, mais des lecteurs de Classic Rock Presents Prog. Votre humble serviteur a d'ailleurs participé à ce référendum. Meilleur album 2010, Spocksbeard avec 10 ou X. Deuxième, et là voilà, avec Spocksbeard, le deuxième point commun, Anathema, We Are Here Because We Are Here. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Au concert d'Anathema, il n'y avait que deux ou trois progueux à Lyon. C'est quand même assez curieux. Troisième, je reviens au sondage, référendum plutôt, Mostly Autumn, Go Well Diamond Heart. Quatrième, Tiny Fish, Big Red Spark. Et cinquième, The Reasoning, Adverse Camber. J'avoue qu'il y a des choses que je ne connais pas, mais bon, pas tout connaître. Restons modestes. Alors, les Anglais vont un petit peu plus loin dans l'analyse, puisque après les albums, voici venir maintenant les meilleurs groupes. Premier, Porcupine Tree. Deuxième, Transatlantique. Troisième, Rush. Quatrième, The Reasoning. Et cinquième, Tiny Fish. Je tourne la page. Je passe un petit peu sur certains détails. Oui, quelque chose d'intéressant. Le meilleur guitariste, Ron Stolt, de Transatlantique et des Flower Kings. Ensuite, Steve Hackett, Steven Wilson, Aleph Alex Lifeson de Rush et John Mitchell qui joue dans Frost, dans Kino, dans It Bites Arena. Voilà pour les guitaristes. Le meilleur chanteur, Daniel Gildenlow de Pain of Salvation. Ensuite, Steven Wilson, James Labrie de Dream Theater, Peter Gabriel et Mark Truax de Unitopia. On retrouve quand même des constantes, hein, vous pouvez le noter. L'événement de l'année, ça a été le High Voltage Festival, un festival de métal et de prog qui a eu lieu donc à Londres et dont Acid Dragon s'est fait l'écho. Voilà pour ensuite meilleur batteur, bien évidemment Mike Portnoy de Dream Theater. Le meilleur claviériste, et alors là ça m'a fait un peu sourire, même pas mal sourire, puisque c'est Richard Barbieri de Porcupine Tree. Jamais trouvé cette personne fabuleux claviériste, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Je continue avec l'icône prog, c'est-à-dire l'idole, hein, la personne la plus marquante, la plus charismatique. Eh bien, en premier, c'est une constante, Steven Wilson. Deuxième, Steve Hackett. Troisième, Mike Portnoy. Twang, qui est un monsieur qui a promu un festival à Kingston. Et cinquième, coucou, notre ami Rick Wakeman. Les meilleures rééditions, et ce sera la fin de ce best of, King Crimson avec non pas le tout premier mais Islands et In the Wake of Poseidon. Ensuite, dans la foulée, Michael Field avec la réédition de Edges Ridge et Oma Dawn. IQ avec The Wake. Quatrième, et ça fait très plaisir, les rééditions de PFM. Et enfin, une réédition d'Opeth, Blackwater Park. Ça fait très plaisir parce que vous avez pu le noter, nos amis britanniques, c'est ce qui fait leur charme, sont britanniques, sont des Iliens, et donc ont un peu trop tendance à oublier le rock progressif européen ou même d'autres pays. Et donc PFM est quand même l'heureuse surprise. Voilà, je tenais à vous faire part de ces petits référendums qui me paraissent intéressants, une bonne photo du progressif et de son foisonnement. On continue notre petit bonhomme de chemin après Magic Pie et non pas Apple Pie avec une réédition, c'est pas une réédition, c'est une compilation d'un monsieur qui s'appelle Frank Bossert. C'est un monsieur allemand qui est un peu le Michael Field de là-bas. Il a formé un projet qui s'appelait Eureka et vient de sortir à l'instant une compile avec des inédits qui s'intitule Silverware. Je vous propose un morceau qu'on avait déjà entendu mais qui est toujours intéressant, toujours bien agréable à entendre. Going Home, Eureka. Everyone, no glorious fame should I found it, j'ai trouvé. Certains ont leur quart d'heure américain, nous on va avoir un quart d'heure italien. Le progressif italien est très riche, on vient de voir que nos amis anglais ont rendu un petit coup de chapeau aux rééditions tout à fait bienvenues de PFM. Voici deux petits jeunes groupes qui frappent à notre porte, Pandora et Sindone. Pandora, c'est leur premier album, Sindone, ils ont déjà publié des disques, à mon avis ça va être le deuxième ou troisième. Pandora, voici un premier album qui s'intitule Sempre o ovunque oltre il sogno. Très sympathique, symphonique, avec un petit côté aussi néo-prog. Et on continuera avec Sindone, un album qui s'intitule Mela Pesante. Voilà tout de suite deux jeunes pointures qui viennent de l'autre côté des Alpes. Per voi tutti un sogno magico, un viaggio dentro le emozioni delle nostre anime felici, emozionati e entusiasti. sera. Non era solo show in quel momento, non erano soltanto le canzoni di una vita, era il tocco magico che fugge via. amante indimenticabile, indelebile, eravamo tutti lì per voi. Ancora oggi vi penso, mi emoziono e piango. I capelli e la mia età e restano visioni e niente più. Su di me cappello nero, alle mie spalle canta il mare, quello che si vede non è realtà. Thank you. Sindone avec un hommage à Magritte. Sindone me la pesante. Et avant, juste avant, Pandora sempre e ovunque, oltre il sogno, avec un morceau qui s'intitule 03-02-1974, et avec de fortes influences de Genesis, et pour cause, c'est un hommage à Genesis, et notamment à Peter Gabriel. La voici, la voilà, et quel plaisir de la retrouver, cette réédition de Mechanical Moonbeams, des Belges Machiavel, un album phare du progressif européen. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve ce disque sorti en 78, complètement remasterisé par nos amis de d'Ésotérique qui font un travail vraiment superbe. Je vous propose trois morceaux carrément. On va se régaler. En tout cas, c'est mon cas. Tout d'abord et tout de suite, Rope Dancer, Machiavel. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Don't care! Sol 100.7. The wind had bent the crop. back from the mall. Lonely on the road, the drivers of the night follow the light. And to the path to their next blunder. Thank you. Perle de cet album essentiel Mechanical Moonbeams de Machiavel, des Belges Machiavel, sorti en 78, pas une ride, et il y a encore bien d'autres petites perles dans cet album. 74, 4 ans avant, c'était une explosion du côté de Berlin. Venait d'arriver, déboulé dans nos cages à miel, comme dirait le père Descamps, le chanteur de Christian Descamps, le chanteur de Ange, venait débouler dans nos cages à miel une musique étrange, une musique qui se voulait révolutionnaire, une musique instrumentale à base de clavier, une musique qui venait de Berlin. Berlin à l'époque était un îlot entouré, perdu tout au fin fond de la RDA. Je veux parler de Tangerine Dream et les petits consorts comme Klaus Schulze. Eh bien, ces Allemands à l'époque créent un nouveau style électronique, cosmic music, appelez-la comme vous voulez, musique planante, une musique qui allait encore plus loin que les inventions, que les explorations des grands maîtres de l'époque progueux, je veux dire Pink Floyd, Yes, Genesis et autres. 74, c'est l'explosion Phaedra, l'album signé par Richard Branson sur le label Virgin, tout jeune, et c'est un succès. Edgar Froese, l'homme, le mentor derrière Phaedra, en 2005, a réédité cet album. Elle a réédité, l'a remasterisé et l'a enrichi. Enrichi d'effets, enrichi d'instruments. Je vous propose un extrait de ce Phaedra 2005, Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares. Tout de suite, Tangerine Dream. You're listening to Progapa. The progressive program in Lyon. aujourd'hui, 28 dans un mois, tout rond, c'est facile à se rappeler. Le 28 mars, c'est un lundi, 20h30, 22h30 pour une nouvelle édition de Prog à part, qui est la version, je le rappelle, sonore d'Acid Dragon, lequel Acid Dragon sera sorti d'ici là, avec notamment une story complète, Full Story of Dream Theater, tout en anglais, All in English, plus plein d'autres choses. J'en ai le nom ici pour vous laisser le la surprise. Voilà, j'ai pas relevé de concert pour le mois que vint, comme on dit à Lyon. Mais d'ici là, restez bien à l'écoute et écoutez du bon son, comme on dit, de la bonne zik. Et tenez tati, à que la prochaine. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, d'ici quelques jours, vous retrouverez l'intégralité de cette émission en podcast, en progcast. Vous tapez Acid Dragon, vous allez sur le site d'Acid Dragon, vous retrouvez Prog à part et vous suivez le fil d'Ariane. Ou vous tapez Prog à part tout simplement et vous suivez le clic. Voilà, merci à tout le monde, notamment à Olivier qui est de l'autre côté du poste et qui enregistre. C'était une émission présentée, réalisée par Thierry Sportouche. Prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis de nombreuses années. Grâce au soutien moral, notamment des deux Olivier et du Jean-Louis qui est peut-être en vacances, mais qui, je sais, nous écoute. À bientôt. Ciao, ciao.